Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, j'ai intitulé « Syndrome italien ». En effet, j'ai découvert un article d'une revue syndicale qui parle de l'Italie. Bien sûr, tout le monde parle de l'Italie, de la situation actuelle qui gouverne l'Italie. Et cet article de dire « un gouvernement né d'une alliance hétéroclite, une situation économique dégradée, la question des migrants, autant de sujets d'inquiétude pour l'avenir de l'Italie, pays fondateur de la CEE ». L'Italie, pays fondateur de la CEE, a produit un choc avec les élections du 4 mars 2018. Puis avec la constitution du gouvernement. Une alliance hétéroclite s'est mise en place entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Cette élection met en lumière la prééminence du parti populiste, anti-système, le M5S, qui confirme sa première place comme force politique avec plus de 32% des suffrages et la montée en puissance du parti populiste anti-européen et xénophobe. La Ligue, dirigée par Matteo Salvini, cette coalition de droite est passée de 4 à 18% en 5 ans au détriment de Forza Italia de Silvio Berlusconi. Le Parti démocrate, dirigé par Matteo Renzi, n'obtient que 18,7% des suffrages, après 25,43% aux élections législatives de 2013. Après le refus du président italien Sergio Mattarella de nommer un ministre de l'économie eurosceptique, le gouvernement Conte a été constitué dans la suite de l'accord du gouvernement passé le 14 mai entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Ces élections de mars 2018 furent ensuite confirmées lors des élections local en juin 2018. L'économie s'est contractée de 9%. Le chômage est de 10,5%. C'était en décembre 2017, faut tout dire, contre 8,7% dans la zone euro. Celui des jeunes est très important. 32,2% des moins de 25 ans sont au chômage, contre 17,9% dans la zone euro. Quant aux migrants, les partis d'extrême droite savent mieux que personne exploiter cette question. Il y a pourtant une marge entre la réalité et la perception de la réalité. Les statistiques du ministère de l'Intérieur italien, mars 2018, sur les arrivées de migrants par la mer, indiquent une baisse en 2017 comme en 2018. Néanmoins, l'actuel ministre de l'Intérieur d'extrême droite, Salvini, a refusé d'accueillir dans un port italien, contrairement aux règles du droit maritime international, les 629 migrants de l'Aquarius en juin 2018. Si l'Italie, la Grèce, Malte sont les pays accessibles par la mer, c'est néanmoins l'Allemagne qui demeure le pays européen ayant accueilli le plus grand nombre de migrants selon Eurostat. Et maintenant, questionne ce journal syndicale. La situation politique en Italie peut évoluer, car le passé ne plaide pas pour la stabilité. Depuis 1946, le pays a connu 60 gouvernements, dont 36 depuis 1972, et seulement 6 ont eu une durée de vie moyenne supérieure à un an et demi. Ça rappelle par certains côtés la 4e République en France. Le programme commun de gouvernement apparaît comme une juxtaposition de vœux des deux parties avec comme point marquant la renégociation des traités européens, la nécessité de s'ouvrir à la Russie, la réforme fiscale, la réduction des flux migratoires, la mise en place d'un revenu de citoyenneté. L'Italie représente 15% du PIB de la zone euro et sa dette publique 132% de son PIB. Ça suppose que les instances européennes regardent la situation économique italienne avec intelligence pour ne pas retomber dans une nouvelle crise. Du côté italien, l'examen du budget au cours du dernier trimestre 2018 donnera les indications voulues. La question migratoire est le second point de friction dans les relations avec l'UE. Les propositions d'accueil et la répartition des migrants entre les pays de l'UE se sont heurtées à l'opposition de plusieurs pays de l'Est de l'Europe, de l'Autriche et maintenant d'Italie, et à la frilosité, il faut le dire, de plusieurs autres, dont la France. Pourtant, la crise migratoire ne se résoudra que par une action européenne concertée et par la mise en place d'un plan de développement à moyen et long terme pour l'Afrique. En Italie comme en Europe, la crise démocratique est bien réelle avec la poussée des partis d'extrême droite dans plusieurs pays et la difficulté à mettre en place des exécutifs en Belgique, en Allemagne et en Italie. Répondre au mal-être démocratique est désormais l'enjeu européen prioritaire. C'est donc un article qui est signé Jean-Pierre Moussy. Alors que dire par rapport à ça? Eh bien, j'écoutais l'autre jour une interview de Robert Badinter, lui qui dit « mais on a l'impression de se retrouver dans les années 30, de l'avant-guerre ». Et je crois qu'il ne faut pas négliger quand même le fait aujourd'hui qu'on est en grave danger, l'Europe est en grave danger, avec toutes ces montées des nationalismes d'extrême droite, de mouvements néofascistes, comme pendant cette période d'avant-guerre. Voilà, il y a de quoi méditer quand même sur l'avenir de l'Europe, et puis surtout sur cet avenir de l'Europe qui était un peu trop façonné par la finance, par effectivement l'économique lors de ces dernières années, une véritable dictature économique, et donc qui a provoqué bien sûr cette montée en puissance du populisme, ou plutôt de partis d'extrême droite, parce que les peuples, la plupart du temps, en ont assez d'être pressurés, l'antisocial de l'Europe. Voilà de quoi méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.